Après s'être retiré en 1921 au couvent de Saint-Benoît-sur-Loire, Mac Jacob y revient en 1937. Et l'année d'après, il publie son recueil Ballades, dont voici un extrait. Berthe la servante. Celui qui forgera la bague de nos noces, c'est Thomas de la Grotte, le ferreur de chevaux, malgré qu'il est sorcier. Je veux mettre au doigt blanc de votre belle main l'anneau d'or tiède encore du marteau de l'enclume. Monsieur le comte, je ne suis qu'une servante, la servante du bar de cet hôtel. Oh, Berthe, si j'en juge par cette belle main, Diane vous êtes, métamorphosée en bonne. Je vous ferai comtesse, et je deviendrai Dieu. Monde, monde, pour moi, tu n'es que pacotille. Le lendemain des noces, je l'ai trouvée défunte, défunte dans mes bras. Monde, monde, pour moi, tout n'est que pacotille, puisque je l'ai perdue le lendemain des noces. Venez, le forgeron, le ferreur des chevaux, prenez-moi le moulage de son bras, de sa main, car je veux le garder, garder sur mon bureau. Surtout, n'oubliez pas, ô ferreur de chevaux, de lui passer au doigt l'anneau de mariage, et faites-le rougir au feu, pour qu'il s'enfonce dans le plâtre comme il est dans mon cœur. Seule la haine pourrait égaler mon amour pour cette morte.